sortait comme on sort des prisons de France. On marchait sur les pieds nus de mon enfance. Je n'avais que mes 15 ans pour me défendre. Froid au cœur, froid au-dedans, comme au-dehors. Toi qui m'as donné la chambre, laisse-moi embrasser ta bouche ronde. Laisse-moi embrasser ta bouche ronde. Toi qui m'as donné le goût de vivre comme on danse. Toi qui m'as donné le pain, la connaissance. Toi qui m'as donné l'argent bleu de tes tempes. Toi qui m'as donné le vin et la patience. Toi qui m'as fait pâte blanche. Laisse-moi embrasser ta bouche ronde. Laisse-moi embrasser ta bouche ronde. Toi qui sais comment s'en vient la dame blanche. Toi qui sais ce que la faux est sur les hanches. Toi qui sais ce que mourir et ta souffrance. Toi qui sais pourquoi les arbres ont tant de branches. Toi qui n'es plus de ce monde. Laisse-moi embrasser ta bouche ronde. Laisse-moi embrasser ta bouche ronde.